Comme chaque lundi depuis la rentrée, l'émission qui vient sera divisée en deux parties quasi égales. Dans la première, nous recevrons l'historienne de l'Algérie Malika Rahal. Et dans la seconde, pour amorcer notre semaine sur l'histoire du climat, l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie. Tout à l'heure, vers 9h35, nous aurons donc le plaisir de recevoir à ce micro Emmanuel Leroy-Ladurie, pionnier de l'histoire du climat, en ouverture de notre semaine sur ce thème. Demain, nous vous proposerons en réécoute un documentaire sur ceux qui procèdent chaque jour au relevé météo, les veilleurs du temps. Mercredi, nous aurons une discussion sur le rôle des historiens dans l'étude des catastrophes climatiques et jeudi, un débat sur la mondialisation de l'histoire climatique. 9h35 donc dans la fabrique de l'histoire d'aujourd'hui, Emmanuel Leroy-Ladurie. Mais tout de suite, recevons l'historienne spécialiste de l'Algérie, Malika Rahal, chercheuse à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. C'est un domaine des publications scientifiques qui, outre les revues et les livres, mériterait d'être moins négligé des médias, c'est bien celui des blogs et des carnets de recherche dans lesquels des chercheuses et des chercheurs exposent au fil de leur enquête leurs interrogations et les étapes de leur travail en cours. Beaucoup sont regroupés de ces carnets de recherche sur la plateforme hypothèse au pluriel .org, hypothèse.org, je vous d'ailleurs conseille d'y aller assez rapidement, dont il faut saluer à nouveau le rôle essentiel qu'elle joue cette plateforme dans la popularisation de la recherche. Sur Hypothèse, on trouve à la fois les réflexions d'aggiornamento.org sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie, les travaux sur la quantification dont Émilien Ruiz était venu nous parler il y a quelque temps à ce micro, les travaux sur la ville de Villeurbanne des chercheurs du RIS et bien d'autres, ou encore Texture, au pluriel Texture du Temps, le carnet de recherche de Malika Rahal, notre invitée de ce matin. Malika Rahal est chercheuse à l'Institut d'Histoire du Temps Présent et après avoir travaillé sur Ferratabas pour sa thèse, elle s'intéresse aujourd'hui au lieu entre politique et violence en Algérie depuis la Seconde Guerre mondiale. Vendredi, Perrine Kervran m'a alerté sur la publication, la veille, d'un article de Malika Rahal sur son blog. Ce titre de ce billet de blog était « Ici et maintenant ». Après l'exécution d'Hervé Gourdel. Un billet dans lequel Malika Rahal nous explique pourquoi le lieu où randonnait Hervé Gourdel a été depuis les années 30 à la fois un lieu de tourisme et un lieu de violence. Bonjour Malika Rahal. Bonjour Emmanuel. Comment ça vous est venue cette idée de travailler comme cela sur un fait d'actualité alors que vous êtes historienne et que vous travaillez depuis longtemps sur l'Algérie et en particulier sur ces rapports entre violence et politique dans l'Algérie à la fois de la guerre de libération mais également de après 1962. C'est le hasard de la recherche et des projets qu'on a dans ces fonds qui tous ne sont pas ou pas encore réalisé, le fait d'avoir eu longtemps et d'avoir encore l'espoir de le faire, une biographie de forêt. Une biographie de cette forêt-là, la forêt du parc national du Djourdjoura, à la lisière duquel, ou juste à l'extérieur duquel, Hervé Gourdel aurait été enlevé et vraisemblablement à cet endroit-là également exécuté. Alors, cette forêt s'appelle la forêt des Aït Wavan, c'est ça ? C'est là où vous êtes promené en 2011 pour ce projet de recherche qui n'a pas encore abouti. Les Aït Wavan, c'est une partie du parc naturel et du parc national du Djourdjoura qui est assez complexe dans sa constitution. Et à dire vrai, c'est presque par là qu'il faudrait commencer. Quand j'avais commencé à travailler sur ce projet, la première chose que je voulais, c'était des cartes. Or, c'était pas si simple du tout de trouver des cartes du parc et c'était pas si simple du tout de trouver en réalité des cartes géographiques. Parce que c'était quoi ? C'était un lieu protégé, un lieu secret ? Parce que la décennie noire des années 90 et durant cette guerre civile des années 1990, les cartes géographiques, notamment les cartes de montagne, sont devenues des objets stratégiques et que leur vente, leur distribution, leur reproduction est devenue beaucoup plus compliquée. Et donc cartographier les lieux tout simplement était était devenu beaucoup plus difficile. Alors aujourd'hui, ce parc, il est divisé entre trois départements. Il fait 18 000 hectares. Je pense que ceux qu'ils connaissent le mieux sont les gardes forestiers et les marcheurs, en réalité. Alors, si on remonte plus loin dans ce projet de recherche, vous avez voulu faire, vous dites-vous, une biographie de forêt. Mais ça n'est pas n'importe quelle forêt, cette forêt à laquelle vous vous intéressez, Malik Aral. Oui, je suis partie de l'idée que choisir un lieu pouvait nous permettre de traverser l'histoire contemporaine de l'Algérie avec cette obsession qui me travaille depuis assez longtemps, que l'histoire écrite par les historiens de l'Algérie presque exclusivement s'arrête en 1962, que pour des raisons politiques en Algérie, pour des raisons presque de cet idéal tiers-mondiste qui a habité l'Algérie, mais aussi qui s'est répandu et qui a irradié dans le reste du monde. C'était difficile d'écrire l'histoire d'après l'indépendance. La guerre civile est venue s'ajouter à cette complication. Et donc choisir un lieu, c'était une façon de partir d'un point et de traverser des épisodes certainement de violence et aussi d'examiner ce qui se passait en temps de paix, notamment après l'indépendance. La forêt, c'était un lieu intéressant parce que dans les formes de colonisation et dans les formes de guerre qui ont existé en Algérie, c'est des lieux privilégiés. C'est pas très étonnant que les théoriciens de la contre-insurrection, des gens comme David Galoula, qui ont été ensuite repris, cité, traduit pour l'armée américaine, ont beaucoup travaillé sur cette notion de terrain rugueux, de terrain hostile, dont Galoula explique que pour les insurgés, il n'est jamais en réalité hostile, il est au contraire le terrain le plus avantageux. La forêt, la montagne, le marécage, et puis plus tard aussi la ville, les centres-villes, les zones très très densément peuplées, sont des zones qui sont toujours avantageuses pour les insurgés. Donc en choisissant une forêt, on avait la possibilité de voir des alternances de guérillas et de savoir-faire d'insurrection et de contre-insurrection, et aussi, parce qu'on le sait peut-être moins, des zones de tourisme, des zones de loisirs, des zones de plaisir, plaisir plutôt du côté de la population coloniale, de la population française à partir des années 30, mais aussi dans l'Algérie socialiste, indépendante, d'après Boumédienne, promouvant le développement physique, le sport, l'appropriation du territoire, un tourisme national. Et donc, plutôt cette forêt-là, justement, que d'autres lieux de forêt, vous avez donc choisi cet endroit-là et vous vous êtes dit, je vais pouvoir commencer à travailler sur ce sujet-là. D'abord, en m'y rendant, vous vous êtes rendu en 2011 dans une randonnée, justement, dans cette forêt, alors que, disait-on, ça n'était pas encore totalement sûr, même si la décennie noire était passée depuis un certain temps, vous vouliez voir ce qu'était cet endroit-là, donc, et d'une certaine façon, déjà, par les yeux et vos pieds, tester comment on pouvait faire une sorte d'archéologie de ce terrain forestier qui avait connu à la fois des moments de grâce et de plaisir, comme vous le dites, mais aussi des moments très intenses de violents combats, Malik Aral. Oui, l'objectif, c'était de faire de l'histoire avec mes pieds. Et je n'avais pas imaginé que ça serait aussi, vrai et aussi intense. Alors, vous le dites, cette forêt plutôt qu'une autre, d'autres auraient été possibles aussi. Hein. Il se trouve que mon ancrage, quand je travaille en Algérie, est plutôt Alger, et que cette forêt du parc national du Djourdjoura est à proximité, à 150 km d'Alger, donc c'est possible de s'y rendre pour le week-end, c'est possible même éventuellement de s'y rendre pour la journée. Et effectivement, ce qui m'a beaucoup frappée et qu'il faudrait objectiver et construire davantage, c'est à quel point ce lieu était chargé d'histoire et cette histoire était sous nos pieds tout le temps. Il y a des traces de cette histoire, notamment dans sa dimension militaire. Hein, quelques traces encore possibles à retrouver, mais plus rares, de la présence militaire française, avec des flacons d'eau de vie, des rations de l'armée française. Et partout, tout le temps, des traces sous forme de boîtes de conserve de la présence très très intense de l'armée nationale populaire, de l'armée algérienne, pendant la décennie noire, où on trouve ces boîtes parfaitement lisibles encore avec les dates de péremption qui datent en fait la trace que l'on trouve. Alors, cette forêt est donc à 150 km d'Alger, et vous dites que ce lieu de montagne, de randonnée, a d'abord été, du temps de la colonisation, un lieu d'expropriation. Il faut remonter au 19e siècle, dites-vous, pour, en tant qu'historien, historienne, s'apercevoir que cette forêt, elle n'est pas simplement une forêt naturelle, c'est aussi une forêt qui s'est construite par la volonté de la colonisation et par des expropriations. Prenons déjà ce premier point avec vous, Malik Haral, avant d'avancer dans le temps pour pouvoir justement comprendre ce qu'était ce lieu historiquement dans lequel a été assassiné Hervé Gourdel. Oui, ce sont des forêts qui sont très anciennes et qui ont été exploitées de façon très ancienne. Elles sont exploitées à l'époque romaine, elles sont exploitées sous l'Empire ottoman, avec des périodes plus ou moins fastes et des périodes de destruction par incendie. La question de l'incendie est omniprésente et encore jusqu'à aujourd'hui. Ce qui se passe au 19e siècle, en France d'ailleurs, comme en Algérie française, c'est que c'est la grande période de la constitution de forêts domaniales et de l'appropriation de forêts par l'État. En Algérie, ça se passe en 1863 sous la forme d'un sénatus consulte qui opère deux choses, comme le dit très bien l'historien Hervé Guignard. Elle valide d'abord, ou elle confirme, les dépossessions foncières déjà effectuées au profit de la colonisation de certaines tribus ou de certains villages, mais en même temps, elle constitue encore des zones qu'elle donne en propriété collective à des tribus. Et ça, du point de vue de la forêt domaniale et du point de vue de l'État, dont la forêt domaniale est la propriété privée, c'est ce qu'on a appelé des territoires restants à soumettre, des territoires qu'il fallait continuer à agglomérer à la propriété de l'État. Or, 1871-72, c'est les dernières grandes insurrections contre colonisation, hein, l'insurrection de Mokrani, par exemple. Et du coup, la dépossession foncière, la spoliation des terres, le séquestre, étaient des façons de punir les populations qui s'étaient révoltées. Et on a, dans la période des années 1870, des appropriations centaines de milliers d'hectares, un rythme extrêmement intense, une colonisation très très très très agressive pour constituer ces forêts domaniales. Alors ces forêts domaniales, c'est le premier, disons, point de l'édifice, pourrait-on dire, de construction de ce parc national du Jour du Rhin. Vous mentionnez dans votre billet de blog, sur votre blog donc Texture du Temps, sur hypothèse.org, Malik Haral, vous expliquez qu'ensuite, il y a les années 30, la colonisation, là, qui, dans une volonté hygiéniste qu'on connaît bien dans cette entre-deux-guerres, en France ou ailleurs, va s'emparer de ces sommets pour pouvoir justement pratiquer la randonnée. Oui, on voit se développer le tourisme plus populaire à partir des années 10, mais il faut attendre la fin des années 20 pour voir dans cette région les premiers documents qui concernent vraiment le développement d'activités touristiques. 1927, c'est le décret de création d'un parc national dans le Djourdjoura, mais c'est aussi dans les archives nationales d'Algérie, c'est aussi les premiers documents de villages ou de communes qui se préoccupent de rendre touristiques des chemins qui ne le sont pas encore, d'accéder à des points de vue, de permettre la marche, de permettre la randonnée. On voit se développer les activités d'alpinisme, de promenade et de ski dans les années 30. Le club alpin français crée un chalet sur place. Oui, on voit se développer les constructions et c'est d'abord Tigjda qui est vraiment la porte d'entrée du parc du Djourdjoura. C'est à une quinzaine de kilomètres de l'endroit où a été a priori enlevé Hervé Gourdel. Oui, c'est ça. On ne sait pas exactement où Hervé Gourdel a été kidnappé, mais c'est effectivement 15-17 kilomètres de Tigjda. S'y développent des hôtels, des chalets, des camps de vacances, à la fois estivaux et hivernaux. Alors donc ça c'est dans l'entre-deux-guerres et puis dans un deuxième temps, cette station de Tigjda donc prend encore de l'ampleur dans l'après-Seconde Guerre mondiale, donc au moment même où se déclenche l'insurrection et la guerre d'Algérie. Oui, ce qui est vraiment frappant dans les archives détenues par les Archives nationales d'Algérie, c'est la compétition en quelque sorte entre le maintien à la fois de la situation de guerre, de guérilla et de violence où l'ALN, l'armée du FLN, s'en prend notamment aux gardes forestiers dans beaucoup de régions et le maintien d'une activité touristique avec des Français qui continuent à randonner, qui continuent pour certains à développer leur chalet, qui continuent à avoir des projets d'avenir et d'installation. Jusqu'en 61. Jusqu'alors, un des cas que j'ai pu suivre, c'est un homme qui se préoccupe de légaliser son occupation d'un chalet auprès de l'administration, d'un chalet public auprès de l'administration et qui continue à avoir des échanges continus jusqu'en 60-61 pour aménager. Il propose d'installer une cuisine, etc. Et 60-61, il commence à dire, bah, finalement, je ne sais pas, les Pyrénées, j'aime beaucoup. C'est-à-dire, on voit à travers cette pratique touristique le moment où la projection dans l'avenir de l'Algérie française est de moins en moins vraie, où la violence gagne, où la notion de danger l'emporte et on se retire de ses activités, on se retire totalement de ses activités de loisirs. Alors 1962, l'indépendance de l'Algérie et assez rapidement, sous Boumédienne, cette idée que cet endroit-là peut être un endroit, cette forêt et ce parc national du Djourdjoura, donc peut-être un endroit aussi où les activités socialistes de plein air peuvent se développer. Et dans le souvenir de ceux que vous avez croisés pour ce travail que vous comptez mener sur cet endroit, cette biographie de forêt que vous voulez faire, Malik Haral, eh bien il y a ce moment un peu joyeux, dites-vous, où on s'approprie ce lieu qui a été pendant les années de guerre un lieu donc plus ou moins interdit pour la plupart des gens. La question même de la forêt au-delà de la forêt du Djourdjoura, la question même de la forêt est importante dans les premières années d'indépendance parce qu'elle a été importante pendant la guerre de libération nationale. Deux auteurs anglo-saxons considèrent que peut-être jusqu'à un tiers des forêts algériennes ont pu être détruites par le napalm, puisque précisément la destruction, c'est vraiment la façon de doter ce terrain favorable aux insurgés, à la guérilla, et donc dans ce cas au FLN et à son armée. Donc dès les premières années de l'indépendance sous Ben Bella, il y a vraiment une promotion de l'idée de reboisement, éventuellement avec des mouvements qui se veulent très, très populaires, de replantage d'arbres. On se rend en marche vers des collines ou des forêts pour aller tous planter des arbres. Et évidemment, à l'époque socialiste de Boumédienne, cette forêt, la montagne, le sport se développent avec un tourisme qui se veut à la fois international, mais qui se veut aussi orienté à destination des touristes algériens, et avec un certain nombre de grandes installations. Alors, on a les installations de Tijda dans le parc national, d'autres stations comme Tala Guilef également dans le Djourdjoura, mais aussi des villes de bord de mer. Chaque ville étant dotée de son hôtel, qui en général existe encore, qui sont délicieusement désuets et socialistes aujourd'hui, mais qui existent toujours et qui sont toujours en fonctionnement. Alors, pour l'aider dans cette tâche, le gouvernement algérien fait appel à quelqu'un qui est proche du président Boumédienne à partir de 1965. Il s'agit de Si Mustapha Müller, qui s'appelait donc au départ Winfried Müller, un Autrichien, c'est ce que vous racontez dans votre billet de blog, qui a cheminé avec la révolution algérienne et qui va installer ainsi des stations de plein air et de loisirs dans ces parcs, dont le parc du Djourdjoura. C'est une figure complètement mythique et incroyable qui a énormément marqué tous ceux qui l'ont rencontré. Alors, on raconte sur lui un certain nombre d'histoires que pour l'heure, je n'ai pas pu vérifier. Mais les histoires elles-mêmes sont significatives. De nationalité autrichienne, il se serait évadé d'un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale pour rejoindre le front de l'Est. Et il aurait rencontré dans les années 50 des représentants du FLN qui l'auraient en quelque sorte, il aurait été subjugué par la cause et a rallié de fait ça pour le coup on le sait, a rallié l'ALN en 1956 et a combattu notamment dans ces montagnes pour devenir après l'indépendance l'un des plus grands défenseurs de la question de l'environnement et promoteur de la création d'un parc national qui voit ensuite officiellement le jour dans les années 80. Alors, il y a ensuite la décennie noire dans cette région et partout en Algérie. Et cet hôtel de la station de Tijda, donc, dont on parlait tout à l'heure, est occupé par un groupe armé. Il y a des énormes incendies. Là encore, l'armée nationale populaire procède à des incendies pour éviter justement la propagation de la guérilla islamiste dans cette région, dans les années donc, de la décennie noire en Algérie. Et on procède à un incendie en particulier en 1998 pour les déloger. C'est ce qu'on appelle les terroristes dans cette région-là. Donc c'est, là encore, la forêt est le lieu d'un conflit qui fait qu'elle devient totalement interdite à tous les Algérois, voire à tous les Algériens qui sont autour. Oui, alors en réalité, le centre de Tijda n'a jamais été complètement fermé. Il est toujours resté notamment des gardes forestiers, mais elle a été fermée pendant toute une période aux visiteurs et aux touristes. Et on est vraiment là dans une... C'est là qu'on a besoin d'histoire. Voilà. C'est là qu'on a besoin d'histoire parce que les versions s'opposent. Qui a allumé l'incendie de 98? Était-ce l'armée pour déloger les terroristes? Était-ce un incendie criminel ou un incendie accidentel? On sait l'intensité des conflits durant cette guerre civile entre l'armée et les islamistes dans toutes les régions forestières. Et on sait à partir d'autres exemples, par exemple la forêt de Bainam qui est à l'est d'Alger, on sait très bien que la question a été très intense de savoir s'il fallait armer les gardes forestiers pour qu'ils puissent se défendre contre les islamistes. Mais d'un autre côté, on craignait que les gardes forestiers ne passent en réalité des armes aux islamistes. De fait, le résultat de tout ça a été la destruction devant leurs yeux de toute une partie de la forêt pour régler le problème définitivement par la suppression de la forêt. Donc on est vraisemblablement dans des cas où se posent des problématiques similaires dans la forêt du Djourdjoura durant cette période. Et là, on a besoin de fouiller, on a besoin d'archives, on a besoin de témoignages pour faire le récit plus exact qu'on ne l'a actuellement. Alors, il y a un moment de pause et que vous décrivez fort bien dans votre billet de blog Malik Haral, c'est donc après la fin de la décennie noire, quand progressivement, eh bien, timidement, les familles reviennent dans cette forêt en espérant pouvoir y pique-niquer, pouvoir y passer un samedi ou un dimanche, avoir un peu de temps pour elles, ces familles, et redescendre rapidement parce qu'on ne sait jamais. On vous raconte qu'en se promenant, un garde forestier vous raconte qu'en se promenant, eh bien, à côté de lui, il a trouvé à un moment un homme en armes qui était en train de dormir et qu'il a tenté de ne pas réveiller. Il y a tout de même en permanence la menace qui est présente, même si on reconquiert petit à petit ces espaces forestiers, ces espaces de montagne. C'est vraiment dans ce domaine que ce que vous lisez est un billet de blog et pas encore une recherche historienne, parce que j'ai tenté de retrouver une chronologie. Je pense que le rythme est exact, la chronologie peut-être pas. Une recherche en cours. En 2011, il me semblait sentir encore, de la part de certains visiteurs qui n'étaient pas retournés, cette appréhension à l'idée de remonter à Tijda et de revoir leur forêt. Depuis que le texte a été publié, mes amis marcheurs m'ont fait remarquer que en réalité, les touristes étaient revenus plus tôt. Eux-mêmes, qui n'ont jamais cessé de faire de la marche, je pense, dans certaines périodes, ont aimé la solitude montagnarde que leur a proposé, que leur a fourni une certaine insécurité. Connaissant très bien les lieux dangereux, les lieux qui ne l'étaient pas, eux ont continué à faire de la marche. Je pense qu'ils ont aimé qu'il y ait moins de touristes et qu'ils n'ont pas adoré voir débarquer des bus entiers d'enfants et de colonies de vacances. Mais on a vraiment ce rythme de gens qui connaissent très bien la forêt de la période des années 70 et des années 80, qui ont une appréhension à l'idée de revenir, et puis qui redécouvrent progressivement, qui se rassurent lentement à l'idée qu'il est possible de remonter en montagne. Alors vous terminez votre billet de blog avec cette très belle phrase, et il va nous falloir beaucoup de mots pour ne pas laisser la sidération nous reprendre, et des promenades en forêt, il nous faut des promenades en forêt et des randonnées en montagne. Malika Rahal, cette recherche, elle était en cours. Vous n'avez pas réussi à la construire, cette biographie de forêt, de cette forêt-là, là où a été assassiné Hervé Gourdel. Mais vous comptez bien la continuer ? Oui, alors pour le moment, j'ai d'autres projets qui doivent également avancer et qui sont complètement connectés, hein, qui sont des projets qui sont toujours sur ces questions de politique, de vie, j'allais dire de vie normale, de vie en paix et de violence. Mais j'aimerais la reprendre et je pense que les réactions à ce billet me confirment à quel point c'est essentiel. Je pense vraiment que la forêt, comme d'autres paysages et comme d'autres lieux de loisirs, ont été des projections collectives très très fortes, notamment dans les années du socialisme, et que pendant très longtemps, l'expression du traumatisme qui ne pouvait pas se faire directement en parlant de soi, pouvait s'exprimer davantage. On connaît ce phénomène, par exemple, lorsqu'il s'agissait pendant la Première Guerre mondiale de parler d'animaux morts plutôt que de parler de pertes humaines. Mais je pense que la forêt, comme d'autres paysages, a servi de projection collective et de possibilité d'expression du traumatisme. Merci, on l'a bien compris en vous lisant et en vous écoutant, Malika Rahal. Allez donc lire le billet de blog sur hypothèse@ dans Texture@ du temps, votre blog donc de chercheuse Malika Rahal, mais également profitez-en pour vous perdre dans cette forêt, pourrait-on dire, de références et de travaux de chercheurs qu'est hypothèse.org. Allez-y, vous n'allez pas perdre votre temps. Merci encore, Malika. Merci beaucoup à vous. France Culture, la fabrique de l'histoire, et aujourd'hui deuxième partie de notre émission et ouverture sur la thématique de la semaine qui va donc courir jusqu'à jeudi dans la fabrique de l'histoire, une histoire du climat. Nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Leroy-Ladurie. Emmanuel Leroy-Ladurie, bonjour, merci de nous accueillir dans votre appartement parisien. Quand on y pénètre dans cet appartement, sur les murs, on voit beaucoup de gravures, des gravures du 17e, 18e, 19e siècle qui représentent des montagnes, des glaciers, et qui disent que depuis longtemps vous poursuivez, non pas une obsession historique, mais un intérêt historique. Vous avez un intérêt historique pour cette question de l'histoire du climat, dont vous avez été pionnier, non seulement en France, mais dans l'ensemble du monde historique, dans le monde entier, avec la parution en 1967 d'un grand livre sur l'histoire du climat depuis l'an 1000. Vous vous y intéressez toujours à cette question ? Oui, puisque j'ai publié récemment trois volumes, Histoire humaine et comparée du climat, et puis des petits volumes qui sont un peu la vulgarisation de ces trois volumes chez Fayard. Alors, quand j'ai commencé, il était peu question du réchauffement mondial. Je crois que la question du réchauffement mondial ne vient à la surface que dans les années 70. Mon livre est de 1967 et mes premiers articles dans les annales d'histoire ce sont de 1955-59. Donc, je n'étais pas un précurseur, parce que j'avais vaguement parlé du réchauffement, mais évidemment, le réchauffement mondial m'a donné des ailes, mais je me considère toujours un peu comme un historien du réchauffement, mais essentiellement comme un historien climatique du deuxième millénaire, enfin depuis l'an 1000. Maintenant, il y a M. McCormick, un Écossais, qui fait l'histoire du climat sous Charlemagne. Mm-hmm. Mais là, je n'ai pas été jusque-là. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous dire en quoi l'histoire du climat et l'histoire de l'environnement n'est pas tout à fait la même chose ? Nous parlerons des deux dans la semaine qui va s'ouvrir avec vous, mais c'est quoi la différence ? La différence, c'est que l'histoire du climat, c'est sérieux, et que l'histoire de l'environnement, ça l'est aussi, mais le danger de l'histoire de l'environnement, c'est que ça va dans tous les sens. C'est-à-dire Tout est environnement, si vous voulez. Alors, c'est légitime, sans aucun doute, mais moi, j'ai préféré me borner au climat, parce que j'avais commencé là-dedans, et là, c'est quelque chose de très précis, c'est température, précipitation, météorologie, etc. Et puis, effet sur l'homme. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, ça n'est pas simplement une histoire immobile. On a souvent repris ce terme que vous aviez utilisé il y a quelques dizaines d'années, qui était l'histoire immobile. Effectivement, une histoire longue, très longue du climat, mais c'est aussi une histoire dans laquelle l'homme a sa place, et surtout, c'est un homme qui subit justement les aléas climatiques, Emmanuel Lourlard-Durie. Alors, l'histoire immobile, d'un mot simplement, c'est le fait que l'Hexagone virtuel, avait 20 millions d'habitants en 1315 et 20 millions en 1715. Donc la France était un être démographique immobile. Je m'explique uniquement là-dessus. Donc l'histoire du climat, c'est l'histoire après l'an 1000, du petit âge glaciaire, enfin d'autres choses dont on peut parler, et aussi du réchauffement actuel. Mais l'impact sur les hommes, j'ai surtout étudié, parce que c'était le plus simple, et ce n'était pas forcément le plus important, j'ai surtout étudié les subsistances. C'est-à-dire l'impact du climat, disons sur le blé, c'est-à-dire le blé vient du Moyen-Orient, il n'aime pas la pluie, enfin il lui en faut de la pluie. Mais en gros, ce qui lui plaît, c'est beaucoup de soleil en été, mais s'il y a des pluies, je parle de la moitié nord de la France, la moitié sud, les sécheresses sont plus importantes. S'il y a un excès de pluie, ça peut créer des famines. Et puis il y a aussi les grands hivers, comme 1709. Et enfin, ça peut être aussi la sécheresse, comme en 2003. Mais le blé, donc, les grains, l'orge, l'avoine, etc., nourriture des hommes, autrefois, manque à cause de ce que je viens de dire, trop de pluie, parfois trop de soleil ou autre. Les prix augmentent, et il y a, au Moyen-Âge, une famine, au XVIIe siècle, une disette. La famine a des effets sur la mortalité, pas tellement que les gens meurent de faim. Il y a des gens qui meurent de faim. On a des textes de curés qui disent dans ma paroisse, grosse paroisse, il y a 110 personnes qui sont mortes de faim, on donne les noms. Ah oui. Mais en général, les gens meurent d'épidémies liées à la sous-alimentation. À la malnutrition. Alors, la peste est quelque chose de... Non, mais même à l'affaiblissement des corps, oui. Par exemple, le typhus et quelques autres épidémies du même genre. Et on obtient une mortalité qui n'est pas du reste énorme. La grande famine de 1315, qui est la famine qui met fin, si on veut, au beau Moyen-Âge, bien que ce soit plutôt la peste de 1348, la grande famine de 1315 ne tue que peut-être que 5 à 7% de la population française. Ce n'est pas les 30 ou 40% ou 50% de la peste noire, si vous voulez. Mais enfin, c'est quand même pas négligeable. Donc, effet de mortalité, effet aussi moins connu de natalité. Non pas que les gens utilisent tellement le coitus interruptus, vous voyez, le retrait sexuel pour avoir moins d'enfants, ça peut exister, mais surtout l'aménorrhée de famine chez les femmes, le fait que les femmes deviennent stériles, elles n'ont plus leurs règles, et c'est une des causes importantes de la baisse momentanée de la natalité, enfin de la fécondité, pendant 1 an, 2 ans, ou guère plus quand même, enfin ça peut durer. Enfin, il y a l'effet nuptialité. Les gens se marient, évidemment, attendent 1 an ou 2, ce qui est très humain pour se marier, puisque le mariage était, comme on dit, le théâtre principal de l'activité hétérosexuelle. Alors, il y a cette dimension humaine que vous décrivez bien, la naissance, la mort, la nuptialité, mais c'est aussi une histoire de chiffres. Oui. Vous êtes issu d'une école historique pour laquelle cette question des chiffres, des séries statistiques était considérablement importante. L'école menée en Sorbonne par Ernest Labrousse, que vous avez poursuivi vous-même, Emmanuel Leroy-Ladurie. Cette question statistique, il faut aimer les chiffres d'une certaine façon pour s'intéresser à cette question du climat. C'est-à-dire que évidemment, maintenant, les jeunes, je ne critique pas, je pense davantage à l'histoire culturelle. Mais enfin, on a effectivement quelques chiffres qui sont énormes, mais enfin, qu'on ne retrouve pas si souvent. La famine, la grande famine Louis XIVienne de 1693, sur une population globale de 19, 20 millions, peut-être 21, 22 millions parfois, fait 1 300 000 morts supplémentaires. je le répète, à cause des morts de faim, mais aussi beaucoup à cause des épidémies. Et c'est des morts étalées sur 3-4 ans. Bon. La famine de 1709, liée au grand hiver 1709, où l'on a le mois de janvier à moins 3 de moyenne, mm-hmm. hein, ce qui signifie beaucoup de pointes négatives à moins 10, moins 20 ou moins 30, mm-hmm. évidemment. Il y a des gens qui meurent de froid, mais ce n'est pas du tout le plus important. C'est surtout que la récolte est détruite, et en partie, hein, pas totalement, et que donc on a encore, j'avais dit 1 300 000 morts pour une famine de pluie excessive, en 1693, on a encore 630 000 morts supplémentaires. Enfin, c'est mm-hmm. moins grave. Alors l'intérêt de la chose, si on peut dire, c'est qu'une fois passé, Louis XIV n'y est peut-être pas pour grand-chose, encore que ses impôts étaient quand même très forts à cause des guerres, à partir de là, les famines disparaissent, ou du moins s'atténuent, et la famine, la disette moyenne, fait 100 000 morts supplémentaires, mm-hmm. et non plus 1 300 000 ou 630 000. C'est par exemple la disette de 1740, et même encore, peut-être il y a combinaison avec le choléra, en 1846-47, on arrive aux 200 000 morts, mais je pense qu'il y a peut-être un mélange avec d'autres phénomènes. Et puis alors depuis 1800, la dernière disette mortalitaire de ce genre, c'est 1847, et après on n'en trouve plus, sauf alors... par exemple, dans l'Allemagne en 1917, vous avez d'une part des restrictions alimentaires, évidemment, à cause de la guerre, et puis le blocus anglais, et justement une mauvaise année, avec un grand hiver, un été pourri. Et là, on a une forte mortalité en Allemagne de 1917. Donc ça se combine avec les pertes de guerre, évidemment. Alors comment combiner en tant qu'historien l'intérêt pour le social, puisque vous êtes aussi issu d'une histoire qui faisait beaucoup d'économique et sociale, Emmanuel Roland-Durie, pour le quantitatif et faire en sorte d'animer tout cela d'une certaine façon, c'est-à-dire de rendre possible pour des novices qui ne connaissent pas cette histoire-là, une longue histoire du climat dans laquelle les individus ont leur part, ils sont présents, ils existent physiquement, tout en racontant les très longues durées, soit du petit âge glaciaire, soit des âges plus récents qui sont plus chauds que nous connaissons aujourd'hui. Alors, l'histoire humaine, c'est d'abord le recours à la religion, c'est-à-dire le culte le choix d'un ou plusieurs saints, S-A-I-N-T-S, qui sont préposés au climat. Et donc, on fait des prières particulières à ce saint. On peut en faire à la Vierge, on peut en faire à Dieu, mais en général, il y a un spécialiste qui est un tel ou tel saint. Et alors, si le saint ne fait pas son travail, la statue peut être brûlée ou cassée, mm-hmm. ou noyée, enfin, etc. Puis finalement, on se décourage et on choisit un autre saint plus efficace. Et effectivement, la famine se termine au bout d'un an ou deux, grâce à ce saint ou à quelqu'un d'autre, enfin, ou tout simplement grâce à la nature. C'est surtout, disons, au Moyen-Âge que ce recours à la sainteté est important. Mais il y a aussi révolte. Au fur et à mesure que diminue un peu la spiritualité, ou si c'est de la spiritualité, enfin, il faut voir à partir de l'entrée dans l'époque moderne, la révolte se substitue souvent à la religion. Alors, c'est le type de ce que les Anglais ont appelé la food riot, l'émeute de subsistance, assez répandue en Angleterre et aussi en France, et qui est assez canonique, souvent dirigée par une femme, pillant les boulangeries, mais pas trop, il ne s'agit pas tellement de casser les boutiques, mais d'obtenir des prix, d'obliger les vendeurs de pain ou de farine à pratiquer des prix moins élevés, ce qui n'est pas toujours facile. Donc c'est les révoltes, et qui peuvent dégénérer, alors parfois même dégénérer en révolution. En 1565-66, vous avez une assez grosse crise de subsistance due à un grand hiver, puis ensuite une année pluvieuse, enfin la combinaison difficile. Et ça crée des troubles sociaux et qui sont l'une des origines de la révolution néerlandaise de 1566, bien que la Hollande était un pays assez riche déjà, et qui va créer au fond pour la première république un peu démocratique européenne, si vous voulez. Du côté protestant, là. Alors, du côté catholique, en 1586, vous avez une crise de subsistance importante, 86-87, liée plutôt au froid et aux pluies du petit âge glaciaire. et de, le mécontentement est grand et ça encourage les émeutes de la Ligue catholique, cette fois-ci non plus protestante, à Paris en 1588. Ces émeutes qui sont évidemment religieuses et politiques, mais qui s'appuient sur un certain mécontentement populaire. Alors, quand on invente, comme vous, Emmanuel Leroy-Ladurie, une discipline comme cette histoire du climat, on invente ses sources aussi. C'est-à-dire oui. que ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il faut, alors que personne n'y a pensé auparavant, mobiliser un type de source. Vous avez mobilisé les dates des vendanges, vous avez oui. mobilisé les crises de subsistance et les famines, comme vous nous l'avez dit. Vous avez mobilisé les notations que tel ou tel pouvait donner d'un incendie dû à une sécheresse excessive ou au contraire d'inondations dues à une pluie excessive. Comment invente-t-on les sources de l'histoire du climat ? Alors, la première source, c'est quand même à partir de 1670, c'est le thermomètre. Oui. Qui a été inventé quelques décennies plus tôt. Alors, nous avons la grande série de Gordon, la grande série thermométrique de Gordon Manley, qui existe depuis longtemps, que j'ai un vieux monsieur, que j'ai bien connu, et qui donne des températures pour tous les mois, et tous les ans, bien sûr, température moyenne de chaque mois, de 1659 à nos jours. Alors, c'est une série absolument fondamentale et le vieux Manley, comme je disais, a vraiment de grands mérites. Alors, en France, M. Daniel Rousseau, à Toulouse, et il faudrait faire connaître cette série, sur mes conseils, mais c'est lui qui a tout fait, a fait la série thermométrique d'Île-de-France, bien qu'il habite à Toulouse, et nous avons battu les Anglais d'un an. Ou 6 mois, je ne sais plus. La sienne commence en 1658, mais c'est pas... Et elle a des sources même meilleures, parce que pour les années 1650-1700, les Anglais ont utilisé les journaux, surtout les journaux quotidiens qui existaient déjà. Bon, ce n'est pas une mauvaise source, mais enfin. Tandis que lui a la source d'un certain Morin qui, tous les matins, se levait à 3 heures du matin, faisait sa prière et faisait 3 observations par jour, le thermomètre. Donc la série de Morin est un formidable début. Mais par ailleurs, il y a les séries des dates de vendanges qui sont importantes. C'est un Français, Angot. Alfred Angot, qui en 1883 a publié des grandes séries de dates de vendange, c'est-à-dire quand printemps était chaud, vendange précoce, quand printemps était frais, vendange tardive. Naturellement, il y a aussi le vigneron qui décide de faire plus ou moins tard pour avoir un vin meilleur. Enfin, il y a pas mal de facteurs, mais ce facteur-là est très important. Et alors, j'ai relancé les dates de vendange dès les années 50-60, mais Mme Valérie Daud, très remarquable scientifique, a produit de magnifiques séries de dates de vendange pour la France. C'est une jeune, relativement jeune scientifique et qui a de très grands mérites. Alors ça, c'est une source fondamentale. Les Anglais font des dates de moissons aussi, comme les moissons sont plus tardives. Alors, il y a une troisième série. Il y a les anneaux des arbres. Hein. Oui, la dendrochronologie. Oui, c'est ça. Alors, quand vous êtes à 3000 mètres d'altitude, s'il y a des arbres, ben, c'est plutôt le froid ou le chaud. Mais dès que vous êtes en pleine, enfin sous le climat de la moitié d'heure, c'est quand même plutôt la pluie ou la sécheresse qui sont le facteur principal. Alors moi, je m'étais acheté une vrille pour prélever dans les arbres de la propriété de mon père, mais je me suis réussi à me blesser à la main. Mais enfin, finalement, ce n'est pas assez utilisé dans l'histoire du climat. Il y a les séries événementielles qui sont très importantes. Un curé baptise et il en profite pour noter sur son registre grosse sécheresse depuis 3 semaines. Ouais. Et les séries événementielles avec des gens comme Emmanuel Garnier, que vous connaissez, ont une très grande importance puisqu'on peut en fabriquer à partir de 1300-1400. Donc, avec tout ça, on arrive à reconstituer le climat. Alors, comment expliquez-vous que pionnier, comme vous l'étiez de cette histoire du climat en France, au bout du compte, vous y avez presque fait plus école en dehors de France qu'en France même? C'est-à-dire qu'on a pris très au sérieux dans beaucoup d'écoles historiques étrangères vos travaux, en France aussi, mais disons qu'ils ont été un peu négligés parfois, et qu'au bout du compte, on a l'impression que vous avez fait école partout dans le monde, et un peu moins en France. Alors, est-ce que j'ai fait école ou est-ce que c'est indépendant? Enfin, j'étais le premier, ça je peux le dire. Mais, alors, en France, ben, c'est qu'il y a, une haine du déterminisme. Alors, donc effectivement, faire de l'histoire du climat, c'est faire du déterminisme. Absolument pas, du reste. Il s'agit simplement de voir un facteur parmi d'autres. Et c'est ce que j'ai fait. Mais au début, il y a eu un peu d'ironie. Et puis, alors, il y a eu le déclin de l'histoire quantitative. Le paradoxe, c'est que tous les historiens, sauf moi, utilisent un ordinateur. Ouais. Enfin, j'utilise aussi, mais peut-être de façon moins compétente que des jeunes. Et qu'il n'y en a presque plus qui font de l'histoire quantitative, alors qu'ils sont armés de façon fantastique. Il est assez rare que des historiens précèdent la société dans un intérêt porté à un domaine de la connaissance. En l'occurrence, ça a été votre cas. Vous êtes intéressé le premier à cette question de l'histoire du climat, Emmanuel Laurent-Ladurie. Et puis ensuite, vous avez vu progressivement vos travaux, rejoints par d'autres historiens, certes, mais aussi aujourd'hui les climatologues, les grandes conférences internationales. La dernière se tenait à New York à la fin de la semaine dernière. Et on y a entendu tous les chefs d'État parler de ce réchauffement climatique. Vous avez été rattrapé par l'histoire, d'une certaine façon. Oui, j'étais rattrapé par l'histoire. Et puis, c'est le réchauffement. Parce que quand j'ai commencé, je crois qu'on parlait vraiment très peu du réchauffement. Vous parlez, Emmanuel Laurent-Ladurie, d'une phase plus prométhéenne du réchauffement. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce que ça veut dire, une phase prométhéenne ? Ça veut dire que c'est l'homme qui joue les activités des hommes, qui jouent un rôle sur le climat, comme on en débat. Rappelons que les glaciers alpins ont leur dernier maximum en 1851-55, et que progressivement, depuis cette date, ils reculent, donc le réchauffement se fait déjà un peu sentir fin 19e. Alors effectivement, là, on découvre maintenant que l'homme ou la femme, enfin l'homme en général, si vous voulez, on commence à prendre conscience du réchauffement et de ses dangers, mais prend quand même sa voiture le matin. Si vous voulez, un congrès sur le climat, sur l'histoire du climat, enfin sur le réchauffement, par exemple, ben, réchauffe aussi, parce que les gens sont venus du monde entier, c'est inévitable. Et donc, cette phase prométhéenne, vous ne la voyez pas s'interrompre de sitôt ? Non, et même je suis assez inquiet sur... Il est question de, à la fin du siècle, c'est peut-être excessif, dans quelque chose entre plus 2 et plus 4 degrés. Si c'est plus 2, ça va, mais si c'est plus, c'est embêtant. Vous avez travaillé sur bien d'autres sujets, Emmanuel Laurent-Ladurie, dans votre carrière d'historien, mais d'une certaine façon, c'était peut-être le seul sujet qui allait à l'encontre de ce qu'on pense être un historien. L'historien vous dit toujours « je peux vous prédire le passé, mais j'ai du mal à vous prédire l'avenir ». Et vous, en travaillant sur le climat, vous êtes dans un domaine dans lequel, parce que les temps sont longs, parce que justement il y a une sorte d'immobilité, enfin, de progression très lente de l'évolution climatique, qui permet de dire au moins, bah, dans les 10, 15 ou 20 années qui viennent, ça ne va pas énormément changer ou ça va changer progressivement, Emmanuel Laurent-Ladurie. Je vois quand même que l'augmentation existe, que surtout il y a un consensus scientifique. Alors, je vous dirais que ce n'est peut-être pas une preuve, mais un consensus scientifique... général. Et puis surtout, j'étudie les glaciers alpins. Il n'y a pas que les glaciers alpins, mais il n'y a pas de problème, quoi. Ils sont en train de disparaître, sauf les plus grands. Et ce processus, encore une fois, a commencé vers 1860. Et depuis 1935, les glaciers parfois avancent un petit peu et reculent plus, etc. Mais l'épaisseur des glaciers alpins diminue constamment. L'épaisseur. Donc il y a parfois des avancées glaciaires légères qui font oublier le recul profond, mais il y a l'épaisseur, le glacier devient de plus en plus mince. Et donc ce que vous pouvez dire en tant qu'historien, c'est que l'histoire a sa part dans cette prise de conscience généralisée du réchauffement climatique. Bien, elle a sa part pour la période, je serai jeune historien, il me semble que je m'attacherai en particulier au réchauffement depuis 1850-1900 jusqu'à maintenant. Alors, si vraiment le réchauffement continue au XXIe siècle et au XXIIe, et puis enfin, s'il ne s'arrêtait pas, d'abord pour l'humanité, ce serait embêtant. Et puis, à ce moment-là, même bon, l'agriculture subsisterait au moins quelque temps, mais ce n'est pas en criant au loup, au diable qu'on convainc les gens. Et moi-même, dans mes ouvrages sur le climat, j'en ai fait, je ne sais plus, 6 ou 7, je dis, en quelques lignes, je parle du danger, mais je préfère ne pas être celui qui crie au feu. Vous voyez. Je fais un étalage historique de ce qui s'est passé, et disons que ma compétence s'arrête en principe je crois qu'on est en 2014, s'arrête au 31 décembre 2014 à 0 heure. Merci en tous les cas d'avoir accepté de donner un peu de cette compétence pour l'émission La Fabrique de l'Histoire d'aujourd'hui. Emmanuel Laurent-Ladurie, on peut lire effectivement ces livres que vous avez consacrés au climat, en particulier aux dans les éditions Fayard. C'était les trois derniers que vous avez consacrés à ce sujet-là. Mais également, on peut reprendre votre Histoire du climat depuis l'an 1000 qui est en poche et qu'on peut retrouver dans toutes les librairies. La température moyenne globale à la surface de la Terre a augmenté depuis 1861. De nouvelles analyses montrent qu'il est probable que le réchauffement observé au XXe siècle ait été le plus important des 1000 dernières années. La couverture neigeuse et les étendues glaciaires se sont réduites. Le niveau moyen des mers s'est élevé et la charge thermique des océans a augmenté. Et puis quand il fait chaud, on a soif. Si le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère continue d'augmenter, la température de la planète pourrait s'élever de 1,5 à 6 degrés d'ici 2100. Un extrait de Arrière-saison numéro 1 composé par Sylvie Gastaud et Christophe Moniaud pour conclure cette émission d'aujourd'hui et pour annoncer également les programmes de demain, d'après-demain et de jeudi dans La Fabrique de l'Histoire, puisque demain nous vous préparons, nous vous proposons une réécoute d'un documentaire sur ceux qui procèdent chaque jour au relevé météo, les veilleurs du temps, un documentaire signé Séverine Yatar et également Gilles Davidas. Mercredi, une discussion sur le rôle des historiens dans l'étude des catastrophes climatiques et jeudi un débat sur la mondialisation de l'histoire climatique avec entre autres Jean-François Mour et Fabien Locher. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Stéphane Poitvin nous a accompagnés à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, notez les références de ce dont nous avons parlé aujourd'hui, en particulier les livres d'Emmanuel Leroy-Ladurie, mais également le billet de blog donc, de Malika Rahl avec laquelle nous avons ouvert l'émission. Eh bien, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.franceculture.fr, là où vous pouvez également écouter l'émission pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an après sa diffusion.